Section 18. En tournant une des croupes de ces montagnes, nous aperçûmes deux camps de bédouins, l'un formé de 7 tentes de peaux de brebis noires disposées en carré long, ouvert à l'extrémité orientale, l'autre composé d'une douzaine de tentes plantées en cercle. Quelques chameaux et des cavales erraient dans les environs. Il était trop tard pour reculer. Il fallut faire bonne contenance et traverser le second camp. Tout se passa bien d'abord, les Arabes touchèrent la main des Bethléémites et la barbe d'Ali Aga. Mais à peine avions-nous franchi les dernières tentes qu'un bédouin arrêta l'âne qui portait nos vivres. Les Bethléémites voulurent le repousser. L'Arabe appela ses frères à son secours. Ceux-ci sautent à cheval, on s'arme, on nous enveloppe. Ali parvint à calmer tout ce bruit pour quelque argent. Ces bédouins exigèrent un droit de passage. Ils prennent apparemment le désert pour un grand chemin, chacun est maître chez soi. Ceci n'était que le prélude d'une scène plus violente. Une lieue plus loin, en descendant le revers d'une montagne, nous découvrîmes la cime de deux hautes tours qui s'élevaient dans une vallée profonde. C'était le couvent de Saint-Saba. Comme nous approchions, une nouvelle troupe d'Arabes cachée au fond d'un ravin se jeta sur notre escorte en poussant des hurlements. Dans un instant, nous vîmes voler les pierres, briller les poignards, ajuster les fusils. Ali se précipita dans la mêlée, nous courons pour lui prêter secours. Il saisit le chef des Bédouins par la barbe, l'entraîne sous le ventre de son cheval et le menace de l'écraser s'il ne fait finir cette querelle. Pendant le tumulte, un religieux grec criait de son côté et gesticulait du haut d'une tour. Il cherchait inutilement à mettre la paix. Nous étions tous arrivés à la porte de Saint-Saba. Les frères, en dedans, tournaient la clef, mais avec lenteur, car ils craignaient que dans ce désordre, on ne pillât le monastère. Le janissaire, fatigué de ces délais, entrait en fureur contre les religieux et contre les Arabes. Enfin, il tira son sabre et allait abattre la tête du chef des Bédouins, qu'il tenait toujours par la barbe avec une force surprenante, lorsque le couvent s'ouvrit. Nous nous précipitâmes tous pêle-mêle dans une cour, et la porte se referma sur nous. L'affaire devint alors plus sérieuse. Nous n'étions point dans l'intérieur du couvent. Il y avait une autre cour à passer, et la porte de cette cour n'était point ouverte. Nous étions renfermés dans un espace étroit où nous nous blessions avec nos armes et où nos chevaux, animés par le bruit, étaient devenus furieux. Ali prétendit avoir détourné un coup de poignard qu'un arabe me portait par derrière. Il montrait sa main ensanglantée. Mais Ali, très brave homme d'ailleurs, aimait l'argent, comme tous les Turcs. La dernière porte du monastère s'ouvrit. Le chef des religieux parut, dit quelques mots, et le bruit cessa. Nous apprîmes alors le sujet de la contestation. Les derniers Arabes qui nous avaient attaqués appartenaient à une tribu, qui prétendait avoir seul le droit de conduire les étrangers à Saint-Saba. Les Bethléémites, qui désiraient avoir le prix de l'escorte, et qui ont une réputation de courage à soutenir, n'avaient pas voulu céder. Le supérieur du monastère avait promis que je satisferais les Bédouins et l'affaire serait arrangée. Je ne leur voulais rien donner pour les punir. Ali Aga me représenta que si je tenais à cette résolution, nous ne pourrions jamais arriver au Jourdain, que ces Arabes iraient appeler les autres tribus, que nous serions infailliblement massacrés, que c'était la raison pour laquelle ils n'avaient pas voulu tuer le chef. Car une fois le sang versé, nous n'aurions eu d'autre parti à prendre que de retourner promptement à Jérusalem. Je doute que les couvents de Cété soient placés dans des lieux plus tristes et plus désolés que le couvent de Saint-Saba. Il est bâti dans la ravine même du torrent de Cédron, qui peut avoir 300 ou 400 pieds de profondeur dans cet endroit. Ce torrent est à sec et ne roule qu'au printemps une eau fangeuse et rougie. L'église occupe une petite éminence dans le fond du lit. De là, les bâtiments du monastère s'élèvent par des escaliers perpendiculaires et des passages creusés dans le roc, sur le flanc de la ravine, et parviennent ainsi jusqu'à la croupe de la montagne, où ils se terminent par deux tours carrées. L'une de ces tours est hors du couvent. Elle servait autrefois de poste avancé pour surveiller les Arabes. Du haut de ces tours, on découvre les sommets stériles des montagnes de la Judée. Au-dessous de soi, l'œil plonge dans le ravin desséché du torrent de Cédron, où l'on voit des grottes qu'habitèrent jadis les premiers anachorètes. Des colombes bleues nichent aujourd'hui dans ces grottes, comme pour rappeler, par leurs gémissements, leur innocence et leur douceur, les saints qui peuplaient autrefois ces rochers. Je ne dois point oublier un palmier qui croît dans un mur sur une des terrasses du couvent. Je suis persuadé que tous les voyageurs le remarqueront comme moi. Il faut être environné d'une stérilité aussi affreuse pour sentir le prix d'une touffe de verdure. Quant à la partie historique du couvent de Saint-Saba, le lecteur peut avoir recours à la lettre du père Néret et à la vie des pères du désert. On montre aujourd'hui dans ce monastère 3 ou 4 000 têtes de mort, qui sont celles des religieux massacrés par les infidèles. Les moines me laissèrent un quart d'heure tout seul avec ces reliques. Ils semblaient avoir deviné que mon dessein était de peindre un jour la situation de l'âme des solitaires de la Thébaïde. Mais je ne me rappelle pas encore, sans un sentiment pénible, qu'un caloyer voulut me parler de politique et me raconter les secrets de la cour de Russie. « Hélas, mon père, lui dis-je, où chercherez-vous la paix si vous ne la trouvez pas ici ?» Nous quittâmes le couvent à 3 heures de l'après-midi, nous remontâmes le torrent de Cédron, ensuite, traversant la ravine, nous reprîmes notre route au levant. Nous découvrîmes Jérusalem par une ouverture des montagnes. Je ne savais trop ce que j'apercevais. Je croyais voir un amas de rochers brisés. L'apparition subite de cette cité des désolations, au milieu d'une solitude désolée, avait quelque chose d'effrayant. C'était véritablement la reine du désert. Nous avancions. L'aspect des montagnes était toujours le même, c'est-à-dire blanc poudreux, sans ombre, sans arbres, sans herbe et sans mousse. À 4 heures et demie, nous descendîmes de la haute chaîne de ces montagnes sur une chaîne moins élevée. Nous cheminâmes pendant 50 minutes sur un plateau assez égal. Nous parvîmes enfin au dernier rang des monts qui bordent à l'occident la vallée du Jourdain et les eaux de la mer Morte. Le soleil était près de se coucher. Nous mîmes pied à terre pour laisser reposer les chevaux, et je contemplai à loisir le lac, la vallée et le fleuve. Quand on parle d'une vallée, on se représente une vallée cultivée ou inculte. Cultivée, elle est couverte de moissons, de vignes, de villages, de troupeaux. Inculte, elle offre des herbages ou des forêts. Si elle est arrosée par un fleuve, ce fleuve a des replis. Les collines qui forment cette vallée ont elles-mêmes des sinuosités dont les perspectives attirent agréablement les regards. Ici, rien de tout cela, qu'on se figure 2 longues chaînes de montagnes, courant parallèlement du septentrion au midi, sans détour, sans sinuosité. La chaîne du Levant, appelée montagne d'Arabie, est la plus élevée. Vue à la distance de 8 à 10 lieues, on dirait un grand mur perpendiculaire, tout à fait semblable au Jura par sa forme et par sa couleur azurée. On ne distingue pas un sommet, pas la moindre cime. Seulement, on aperçoit ça et là de légères inflexions, comme si la main du peintre qui a tracé cette ligne horizontale sur le ciel eût tremblé par quelques endroits. La chaîne du couchant appartient aux montagnes de Judée. Moins élevée et plus inégale que la chaîne de l'Est, elle en diffère encore par sa nature. Elle présente de grands monceaux de craie et de sable qui imitent la forme des faisceaux d'armes, de drapeaux ployés ou de tentes d'un camp assis au bord d'une plaine. Du côté de l'Arabie, ce sont au contraire de noirs rochers à pic qui répandent au loin leur ombre sur les eaux de la mer Morte. Le plus petit oiseau du ciel ne trouverait pas dans ces rochers un brin d'herbe pour se nourrir. Tout y annonce la patrie d'un peuple réprouvé. Tout semble y respirer l'horreur et l'inceste d'où sortirent Ammon et Moab. La vallée comprise entre ces 2 chaînes de montagnes offre un sol semblable au fond d'une mer depuis longtemps retirée. Des plages de sel, une vase desséchée, des sables mouvants et comme sillonnés par les flots, çà et là des arbustes chétifs croissent péniblement sur cette terre privée de vie. Leurs feuilles sont couvertes du sel qui les a nourries, et leur écorce a le goût et l'odeur de la fumée. Au lieu de village, on aperçoit les ruines de quelques tours. Au milieu de la vallée passe un fleuve décoloré. Il se traîne à regret vers le lac empesté qui l'engloutit. On ne distingue son cours au milieu de la reine que par les saules et les roseaux qui le bordent. L'arabe se cache dans ses roseaux pour attaquer le voyageur et dépouiller le pèlerin. Tels sont ces lieux, fameux par les malédictions du ciel. Ce fleuve est le Jourdain, ce lac est la mer Morte. Elle paraît brillante, mais les villes coupables qu'elle cache dans son sein semblent avoir empoisonné ses flots. Ces abîmes solitaires ne peuvent nourrir aucun être vivant. Jamais vaisseau n'a pressé ses ondes. Ses grèves sont sans oiseaux, sans arbres, sans verdure, et son eau, d'une amertume affreuse, est si pesante que les vents les plus impétueux peuvent à peine la soulever. Quand on voyage dans la Judée, d'abord un grand ennui saisit le cœur. Mais lorsque, passant de solitude en solitude, l'espace s'étend sans bornes devant vous, peu à peu l'ennui se dissipe. On éprouve une terreur secrète qui, loin d'abaisser l'âme, donne du courage et élève le génie. Des aspects extraordinaires décèlent de toutes parts une terre travaillée par des miracles. Le soleil brûlant, l'aigle impétueux, le figuier stérile, toute la poésie, tous les tableaux de l'écriture sont là. Chaque nom renferme un mystère, chaque grotte déclare l'avenir, chaque sommet retentit des accents d'un prophète. Dieu même a parlé sur ses bords. Les torrents desséchés, les rochers fendus, les tombeaux entr'ouverts attestent le prodige. Le désert paraît encore muet de terreur, et l'on dirait qu'il n'a osé rompre le silence depuis qu'il a entendu la voix de l'Éternel. Nous descendîmes de la croupe de la montagne afin d'aller passer la nuit au bord de la mer morte pour remonter ensuite au Jourdain. En entrant dans la vallée, notre petite troupe se resserra. Nos bethléémites préparèrent leurs fusils et marchèrent en avant avec précaution. Nous nous trouvions sur le chemin des Arabes du désert qui vont chercher du sel au lac et qui font une guerre impitoyable aux voyageurs. Les mœurs des Bédouins commencent à s'altérer par une trop grande fréquentation avec les Turcs et les Européens. Ils prostituent maintenant leurs filles et leurs épouses et égorgent le voyageur qu'ils se contentaient autrefois de dépouiller. Nous marchâmes ainsi pendant 2 heures, le pistolet à la main, comme en pays ennemi. Nous suivions, entre les dunes de sable, les fissures qui s'étaient formées dans une vase cuite aux rayons du soleil. Une croûte de sel recouvrait l'arène et présentait comme un champ de neige, d'où s'élevaient quelques arbustes rachitiques. Nous arrivâmes tout à coup au lac. Je dis tout à coup parce que je m'en croyais encore assez éloigné. Aucun bruit, aucune fraîcheur ne m'avait annoncé l'approche des eaux. La grève, semée de pierres, était brûlante, le flot était sans mouvement et entièrement mort sur la rive. Il était nuit close. La première chose que je fis en mettant pied à terre fut d'entrer dans le lac jusqu'aux genoux et de porter l'eau à ma bouche. Il me fut impossible de l'y retenir. La salure en est beaucoup plus forte que celle de la mer, et elle produit sur les lèvres l'effet d'une forte solution d'alun. Mes bottes furent à peine séchées qu'elles se couvrirent de sel. Nos vêtements et nos mains furent en moins de 3 heures imprégnés de ce minéral. Galien avait déjà remarqué ces effets, et Pocock en a confirmé l'existence. Nous établîmes notre camp au bord du lac, et les bethléémites firent du feu pour préparer le café. Il ne manquait pas de bois, car le rivage était encombré de branches de tamarin apportées par les Arabes. Outre le sel que ceux-ci trouvent tout formé dans cet endroit, ils le tirent encore de l'eau par ébullition. Telle est la force de l'habitude. Nos bethléémites avaient marché avec beaucoup de prudence dans la campagne, et ils ne craignaient point d'allumer un feu qui pouvait bien plus aisément les trahir. L'un d'eux se servit d'un moyen singulier pour faire prendre le bois. Il enfourcha le bûcher et s'abaissa sur le feu. Sa tunique s'enfla par la fumée, alors il se releva brusquement. L'air aspiré par cette espèce de pompe fit sortir du foyer une flamme brillante. Après avoir bu le café, mes compagnons s'endormirent et je restai seul éveillé avec nos Arabes. Vers minuit, j'entendis quelques bruits sur le lac. Les bethléémites me dirent que c'étaient des légions de petits poissons qui viennent sauter au rivage. Ceci contredirait l'opinion généralement adoptée que la mer morte ne produit aucun être vivant. Pocock, étant à Jérusalem, avait entendu dire qu'un missionnaire avait vu des poissons dans le lac Asphaltit. Asselquist et Mandrel découvrirent des coquillages sur la rive. M. Setzen, qui voyage encore en Arabie, n'a remarqué dans la mer morte ni hélice ni moule, mais il a trouvé quelques escargots. Pocock fit analyser une bouteille d'eau de cette mer. En 1778, M. Lavoisier, Macaire et Sage renouvelèrent cette analyse. Ils prouvèrent que l'eau contenait par quintal 44 livres 6 onces de sel, savoir 6 livres 4 onces de sel marin ordinaire et 38 livres 2 onces de sel marin à base terreuse. Dernièrement, M. Gordon a fait faire à Londres la même expérience. La pesanteur spécifique des eaux, dit M. Maltbrun dans ses annales, est de 1,211, celle de l'eau douce étant 1. Elles sont parfaitement transparentes. Les réactifs y démontrent la présence de l'acide marin et de l'acide sulfurique. Il n'y a point d'alumine. Elles ne sont point saturées de sel marin. Elles ne changent point les couleurs, telles que le tournesol ou la violette. Elles tiennent en dissolution les substances suivantes et dans les proportions que nous allons indiquer. Muriate de chaux, 3,920. Muriate de magnésie, 10,246. Muriate de soude, 10,360. Sulfate de chaux, 0,054. Égale 24,580 sur 100. Ces substances étrangères forment donc environ un quart de son poids à l'état de dessiccation parfaite, mais desséchées seulement à 180 degrés Fahrenheit, elles en forment 41%. M. Gordon, qui a rapporté la bouteille d'eau soumise à l'analyse, a lui-même constaté que les hommes y flottent sans avoir appris à nager. Je possède un vase de fer blanc rempli de l'eau que j'ai prise moi-même dans la mer morte. Je ne l'ai point encore ouvert. Mais, au poids et au bruit, je juge que le fluide est un peu diminué. Mon projet était d'essayer l'expérience que Pocock propose, c'est-à-dire de mettre de petits poissons de mer dans cette eau et d'examiner s'ils y pourraient vivre. D'autres occupations m'ayant empêché de tenter plus tôt cet essai, je crains à présent qu'il ne soit trop tard. La lune, en se levant à 2 heures du matin, amena une forte brise qui ne rafraîchit pas l'air, mais qui agita un peu le lac. Le flot chargé de sel retombait bientôt par son poids et battait à peine la rive. Un bruit lugubre sortit de ce lac de mort, comme les clameurs étouffées du peuple abîmé dans ses eaux. L'aurore parut sur la montagne d'Arabie, en face de nous. La mer morte et la vallée du Jourdain se teignirent d'une couleur admirable, mais une si riche apparence ne servait qu'à mieux faire paraître la désolation du fond. Le lac fameux, qui occupe l'emplacement de Sodome et Gomorre, est nommé mer morte, ou mer salée dans l'écriture, asphaltite par les Grecs et les Latins, almotena et batarlot par les Arabes, oula degnissi par les Turcs. Je ne puis être du sentiment de ceux qui supposent que la mer morte n'est que le cratère d'un volcan. J'ai vu le Vésuve, le Solfatare, le Monte Nuovo dans le lac Fusine, le pic des Açores, le Mamelif vis-à-vis de Carthage, les volcans éteints d'Auvergne. J'ai partout remarqué les mêmes caractères, c'est-à-dire des montagnes creusées en entonnoirs, des laves et des cendres où l'action du feu ne se peut méconnaître. La mer morte, au contraire, est un lac assez long, courbé en arc, encaissé entre 2 chaînes de montagnes qui n'ont entre elles aucune cohérence de forme, aucune homogénéité de sol. Elles ne se rejoignent point aux 2 extrémités du lac. Elles continuent d'un côté à border la vallée du Jourdain en se rapprochant vers le nord jusqu'au lac de Tibériade, et de l'autre, elles vont en s'écartant se perdre au midi dans les sables de l'Yémen. Il est vrai qu'on trouve du bitume, des eaux chaudes et des pierres phosphoriques dans la chaîne des montagnes d'Arabie, mais je n'en ai point vu dans la chaîne opposée. D'ailleurs, la présence des eaux thermales, du soufre et de l'asphalte ne suffit point pour attester l'existence antérieure d'un volcan. C'est dire assez que, quant aux villes abîmées, je m'en tiens au sens de l'écriture sans appeler la physique à mon secours. D'ailleurs, en adoptant l'idée du professeur Michaelis et du savant Bushfing dans son mémoire sur la mer morte, la physique peut encore être admise dans la catastrophe des villes coupables, sans blesser la religion. Sodome était bâtie sur une carrière de bitume, comme on le sait par le témoignage de Moïse et de Joseph, qui parlent des puits de bitume de la vallée de Sidim. La foudre alluma ce gouffre, et les villes s'enfoncèrent dans l'incendie souterrain. M. Maltebrun conjecture très ingénieusement que Sodome et Gomorre pouvaient être elles-mêmes bâties en pierres bitumineuses et s'être enflammées au feu du ciel. Strabon parle de 13 villes englouties dans le lac asphaltite. Étienne de Byzance en compte 8, la Genèse en place 5, in Wallée Silvestri. Sodome, Gomorre, Adam, Séboïme, et Bala ou Ségor, mais elle ne marque que les deux premières comme détruites par la colère de Dieu. Le Deutéronome en cite 4, Sodome, Gomorre, Adam et Séboïme. La Sagesse en compte 5 sans les désigner. Descendente igne in Pentepolim. Jacques Serbus, ayant remarqué que 7 grands courants d'eau tombent dans la mer morte, Relent en conclut que cette mer devait se dégager de la superfluité de ses eaux par des canaux souterrains. Sodi et quelques autres voyageurs ont énoncé la même opinion, mais elle est aujourd'hui abandonnée d'après les observations du docteur Halley sur l'évaporation, observations admises par Shaw, qui trouve pourtant que le Jourdain roule par jour à la mer morte 6,090,000 tonnes d'eau, sans compter les eaux de l'Arnon et les 7 autres torrents. Plusieurs voyageurs, entre autres Troilo et Darvieux, disent avoir remarqué des débris de murailles et de palais dans les eaux de la mer morte. Ce rapport semble confirmé par Mandrel et par le père Nao. Les anciens sont plus positifs à ce sujet. Joseph, qui se sert d'une expression poétique, dit qu'on apercevait, au bord du lac, les ombres des cités détruites. Strabon donne 60 stades de tour aux ruines de Sodome. Tacite parle de ces débris. Je ne sais s'ils existent encore, je ne les ai point vus. Mais comme le lac s'élève ou se retire selon les saisons, il peut cacher ou découvrir tour à tour les squelettes des villes réprouvées. Les autres merveilles racontées de la mer morte ont disparu devant un examen plus sévère. On sait aujourd'hui que les corps y plongent ou y surnagent, suivant les lois de la pesanteur de ces corps et de la pesanteur des eaux du lac. Les vapeurs empestées qui devaient sortir de son sein se réduisent à une forte odeur de marine, à des fumées qui annoncent ou suivent l'émersion de l'asphalte et à des brouillards, à la vérité malsains comme tous les brouillards. Si jamais les Turcs le permettaient et qu'on pût transporter une barque de Jaffa à la mer morte, on ferait certainement des découvertes curieuses sur ce lac. Les anciens le connaissaient beaucoup mieux que nous, comme on le voit par Aristote, Strabon, Diodore de Sicile, Pline, Tacite, Solin, Joseph, Galien, Dioscoride, Étienne de Byzance. Nos vieilles cartes tracent aussi la forme de ce lac d'une manière plus satisfaisante que les cartes modernes. Personne jusqu'à présent n'en a fait le tour, si ce n'est Daniel, abbé de Saint-Saba. Nao nous a conservé dans son voyage le récit de ce solitaire. Nous apprenons par ce récit que la mer morte, à sa fin, est comme séparée en deux, et qu'il y a un chemin par où on la traverse, n'ayant de l'eau qu'à mi-jambe, au moins en été. Que là la terre s'élève et borne un autre petit lac, de figure ronde un peu ovale, entouré de plaines et de montagnes de sel. Que les campagnes des environs sont peuplées d'arabes sans nombre, etc. Niembo dit à peu près les mêmes choses. L'abbé Mariti et M. de Volnay ont fait usage de ces documents. Quand nous aurons le voyage de M. Setzen, nous serons vraisemblablement mieux instruits. Il n'y a presque point de lecteur qui n'ait entendu parler du fameux arbre de Sodome. Cet arbre doit porter une pomme agréable à l'œil, mais amère au goût et pleine de cendres. Tacite, dans le 5e livre de son histoire, et Joseph, dans sa guerre des Juifs, sont, je crois, les deux premiers auteurs qui aient fait mention des fruits singuliers de la mer morte. Fulcaire de Chartres, qui voyageait en Palestine vers l'an 1100, vit la pomme trompeuse et la compara au plaisir du monde. Depuis cette époque, les uns comme Severius de Vera, Baumgarten, Peregrinationis in Aegyptum, etc., Pierre de la Vallée, Viaggi, Troilo et quelques missionnaires confirment le récit de Fulcher. D'autres, comme Relan, le père Néret, Mandrel, inclinent à croire que ce fruit n'est qu'une image poétique de nos fausses joies, mala mentis gaudia. D'autres enfin, tels que Pocock, Shaw, etc., doutent absolument de son existence. Aman semble trancher la difficulté. Il décrit l'arbre qui, selon lui, ressemble à une aubépine. Le fruit, dit-il, est une petite pomme d'une belle couleur, etc. Le botaniste, Asselquist, survient. Il dérange tout cela. La pomme de Sodome n'est plus le fruit d'un arbre ni d'un arbrisseau, c'est la production du Solanum Melongena de Linné. On en trouve, dit-il, quantité près de Jéricho, dans les vallées qui sont près du Jourdain, dans le voisinage de la mer morte. Il est vrai qu'ils sont quelquefois remplis de poussière, mais cela n'arrive que lorsque le fruit est attaqué par un insecte, Tentredo, qui convertit tout le dedans en poussière, ne laissant que la peau entière, sans lui rien faire perdre de sa couleur. Qui ne croirait après cela la question décidée sur l'autorité d'Asselquist et sur celle beaucoup plus grande de Linné, dans sa Flora Palestina? Pas du tout. M. Setzen, savant aussi, et le plus moderne de tous ses voyageurs, puisqu'il est encore en Arabie, ne s'accorde point avec Asselquist sur le Solanum Sodomeum. Je vis, dit-il, pendant mon séjour à Karak, chez le curé grec de cette ville, une espèce de coton ressemblant à la soie. Ce coton, me dit-il, vient de la plaine Helgor, à la partie orientale de la mer morte, sur un arbre pareil au figuier et qui porte le nom d'Aoescaes. On le trouve dans un fruit ressemblant à la grenade. J'ai pensé que ces fruits qui n'ont point de chair intérieurement et qui sont inconnus dans tout le reste de la Palestine pourraient bien être les fameuses pommes de Sodome. Me voilà bien embarrassé, car je crois aussi avoir trouvé le fruit tant recherché. L'arbuste qui le porte croît partout, à 2 ou 3 lieues de l'embouchure du Jourdain. Il est épineux et ses feuilles sont grêles et menues. Il ressemble beaucoup à l'arbuste décrit par Hammam. Son fruit est tout à fait semblable en couleur et en forme au petit limon d'Égypte. Lorsque ce fruit n'est pas encore mûr, il est enflé d'une sève corrosive et salée. Lorsqu'il est desséché, il donne une semence noirâtre qu'on peut comparer à des cendres et dont le goût ressemble à un poivre amer. J'ai cueilli 1/2 douzaine de ces fruits. J'en possède encore 4 desséchés bien conservés et qui peuvent mériter l'attention des naturalistes. J'employai 2 heures entières, 5 octobre, à errer au bord de la mer morte, malgré les Bethléemites qui me pressaient de quitter cet endroit dangereux. Je voulais voir le Jourdain à l'endroit où il se jette dans le lac, point essentiel qui n'a encore été reconnu que par Asselquist. Mais les Arabes refusèrent de m'y conduire parce que le fleuve, à 1 lieue environ de son embouchure, fait un détour sur la gauche et se rapproche de la montagne d'Arabie. Il fallut donc me contenter de marcher vers la courbure du fleuve la plus rapprochée de nous. Nous levâmes le camp et nous cheminâmes pendant 1 heure et demie avec une peine excessive. Dans une arène blanche et fine, nous avancions vers un petit bois d'arbres de baume et de tamarin, qu'à mon grand étonnement, je voyais s'élever du milieu d'un sol stérile. Tout à coup, les Bethléemites s'arrêtèrent et me montrèrent de la main, au fond d'une ravine, quelque chose que je n'avais pas aperçu. Sans pouvoir dire ce que c'était, j'entrevoyais comme une espèce de sable en mouvement sur l'immobilité du sol. Je m'approchai de ce singulier objet et je vis un fleuve jaune que j'avais peine à distinguer de l'arène de ses 2 rives. Il était profondément encaissé et roulait avec lenteur une onde épaissie. C'était le Jourdain. J'avais vu les grands fleuves de l'Amérique avec ce plaisir qu'inspire la solitude et la nature. J'avais visité le Tibre avec empressement et recherché avec le même intérêt le Rotas et le Céphise. Mais je ne puis dire ce que j'éprouvais à la vue du Jourdain. Non seulement ce fleuve me rappelait une antiquité fameuse et un des plus beaux noms que jamais la plus belle poésie ait confié à la mémoire des hommes, mais ses rives m'offraient encore le théâtre des miracles de ma religion. La Judée est le seul pays de la terre qui retrace aux voyageurs le souvenir des affaires humaines et des choses du ciel, qui fasse naître au fond de l'âme, par ce mélange, un sentiment et des pensées qu'aucun autre lieu ne peut inspirer. Les Bethléemites se dépouillèrent et se plongèrent dans le Jourdain. Je n'osais les imiter à cause de la fièvre qui me tourmentait toujours, mais je me mis à genoux sur le bord avec mes 2 domestiques et le drogman du monastère. Ayant oublié d'apporter une Bible, nous ne plûmes réciter les passages de l'Évangile relatifs au lieu où nous étions. Mais le drogman, qui connaissait les coutumes, psalmodia l'Ave Maris Stella. Nous y répondîmes comme des matelots au terme de leur voyage.